On va parler de la Ligue JMS, cette chronique est une commandite d'Antiquation Sport. Donc, pour tous vos projets ou encore vos objets de sport ou objets faits sur mesure, on peut consulter identificationsport.com. On va parler avec Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour, Danny. Pierre, évidemment, passez des belles fêtes, Pierre. Oui, très belle fête en compagnie de la famille et des petits-enfants. Ben, Un lien plus plaisant. il va te souhaiter une bonne et heureuse année en passant. Beaucoup de santé, là, ça achève des souhaits. On est rendu. Hey, déjà, la mi-janvier, c'est fou pareil, hein, comment que ça va vite, hein? Déjà. Ça passe. Oui, ça passe très vite. Puis déjà, genre, nous, on approche la fin de saison. Il nous reste un mois. C'est Un mois incroyable avant de commencer les séries. comment que ça va à une vitesse folle. On va y aller maintenant avec la Ligue Junior. Ça, les activités recommençaient en fin de semaine. Donc, il y avait quoi? Il y avait. Quelques matchs. D'abord, on va commencer avec le match de mercredi dernier, victoire des Marquis 5-2 sur les Saguenay-Lac-Chicoutimi. Mais c'était en fin de semaine, disons que les Marquis ont donné un bon coup pour le championnat en battant deux fois les Saguenayens. Ils étaient presque nez à nez. Donc là, deux victoires consécutives vendredi et dimanche. Je pense que les Marquis sont bien positionnés pour aller chercher un autre championnat cette saison. Du côté des Saguenayens, ben ils ont subi trois revers en fin de semaine. Deux contre les Marquis, puis une samedi soir en fusillade contre les Sables de Roberval. Oui. Ça resserre un peu la deuxième position. Normandin devrait se rapprocher pas mal des Sagues, puis Roberval n'est pas loin non plus. Donc, parce que je sais que en fin de saison, Chicoutimi, Normandin, Marquis vont se rencontrer beaucoup à l'intérieur d'eux autres, tandis que les Sables ont encore trois ou quatre parties à jouer contre les Yvelines. Okay. C'est peut-être un petit avantage pour Roberval. Ben, c'est quand même pas mal le fun là, aussi là, pour les Sables. Ça recommence à gagner, puis c'est pas mal intéressant. Donc, il y avait un match aussi vendredi, les Éperviers de Normandin qui ont défait facilement les Aiglons d'Allemagne 9 à 2. Ouais, les Yvelines, en fin de semaine, ont eu beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si c'est les faits dans les trois yeux, mais écoute, 9-2, je pense, contre Normandin. 8-2 contre Roberval dimanche après-midi. Ça a été assez difficile pour eux. Puis en plus, ils jouaient jeudi soir à Jonquière, puis là, ils ne se sont pas présentés à cause de la température. Ouais. Donc, ils ont perdu la partie par défaut. C'est que c'est trois revers pour les Yvelines en fin de semaine. Ouais, donc, ça va pas beaucoup cette année, les Aiglons. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Il se faisait quelques années qu'il y avait des bonnes formations, mais cette année, ça semble beaucoup plus difficile. Là. Il y a des années Ah, ils comme ça, sont. j'imagine. Surtout le junior. Là. La seule équipe qui a pas de problème, les deux seules équipes qui n'ont même pas de problème pour les joueurs, c'est les Marquis. Ouais. Parce que les Marquis ont un gros bassin de joueurs. Puis Normandin, ils ont un bon bassin de joueurs aussi. Les trois autres équipes, c'est à se battre à tous les ans pour avoir des joueurs. Les Aiglons sont dans une mauvaise. Passe, mais l'an prochain, tous les joueurs des Aiglons midget appartiennent aux Aiglons juniors. Il n'y a aucun joueur qui appartient à Roberval. Donc, là, ils devraient commencer à remonter à partir de l'an prochain. Peut-être pas gagner l'an prochain, mais dans 2 ou 3 ans, les Aiglons devraient être dans le haut du classement. C'est toujours cyclique, hein, aussi. Hein. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Et dans la Ligue junior régionale, les équipes abaissaient leur. Leur alignement, je pense. Hein. Il y a eu des joueurs, il y avait une date limite de transaction, il y avait des joueurs qui ont été Ouais. soumis au ballottage. Y a-t-il eu beaucoup de mouvements? Il y a eu un échange entre Chicoutimi et Roberval. OK. Un petit dégagné, deux joueurs de 21 ans, un petit dégagné et été échangé à Chicoutimi. Puis Chicoutimi a eu Nicolas Clément, un excellent joueur d'attaque qui devrait normalement. Il a joué dimanche. Il devrait normalement aider Roberval à l'attaque, ce qui lui manquait un peu. À part ça, il n'y a pas eu d'autres changements. Les équipes se sont abaissées à au lieu de 23 à 22 pour se garder un trou pour pouvoir ramasser un joueur, peut-être du collégial ou d'autres, avant la date limite de 21 joueurs. OK. Donc, c'est ça. Et il y a un tournoi junior régional qui se déroule en fin de semaine. Ouais, en fait, tu as le tournoi midget à Ouais. Armoire qui est provincial. Puis, je sais que moi, dans notre tournoi, on a comme 4 équipes dans notre ligue qui vont dans des tournois différemment. Ils vont, je ne sais pas les endroits exactement, mais on a 4 équipes qui vont aller dans des tournois. Donc, on devrait avoir, nous, toute la fin de semaine, des reportages par nos équipes. On a demandé à nos équipes de nous envoyer les pointages pour qu'on puisse les envoyer sur nos sites. Ouais. Pour vous montrer, pour faire suivre nos spectateurs. Mais ton ami Jet, ben non, c'est sûr que nous, on va aller faire un tour là, la direction. On va évoluer nos 7 équipes de la Ligue, les 9. Je crois ça, c'est ça, pas si big comme vous, puis cette île en font partie, là, je crois ça. OK. Mais bon. Donc, on va suivre ça. Ligue midget régionale, maintenant, ça s'est déroulé au cours du week-end également. Je sais que les Castors de Delbourg recommençaient également leur activité. Je vais aller sur le site, donne-moi une petite seconde, Pierre. Donc, au niveau du midget régional, les Castors, ils jouaient dimanche, je pense. Hein? Oui, on joue dimanche à Alma. Ça a fini 3-2 pour Alma, je pense. C'est un excellent match de hockey, ça va. Oui, donc, et par la suite, il y a eu les Saguenayens qui affrontaient les deux équipes du Saguenay qui jouaient dimanche. C'était des victoires de 5-3 des Marquis sur les Saguenayens. Oui, les Saguenayens chauffaient beaucoup les Marquis. Ils venaient 3-1 au début de la deuxième, au milieu de la deuxième. Puis les Marquis ont fait une remontée pour l'emporter 5-3. Okay. Puis t'as eu les Adelons qui ont joué une autre partie aussi, je pense, parce qu'ils ont remporté deux victoires en fin de semaine à Alma. Donc ça a resserré de l'an semaine. Alma, la lutte pour la tête va se faire avec Marquis, Edlon, probablement là, pour les deux premières positions d'ici la fin de la saison. Celui qui va passer devant être point de comportement devrait probablement être bon pour passer devant l'autre, parce que c'est Jonquière ne perd pas souvent, mais ce qu'ils font perdre, c'est deux points de comportement. Ça l'a aidé beaucoup. Hein. Ils ont gagné deux fois 9-2 en fin de semaine à Bécamo. Ça l'a aidé pas mal, ça, effectivement. Et ouais. Aussi, les Aiglons, qui, comme tu disais, qui ont gagné 5-3 sur les Saguenayens, ça s'est déroulé vendredi. Dis-moi, Pierre, le tournoi midget, vous n'êtes pas impliqué dans le tournoi midget demain. Hein? Non, le tournoi midget, c'est vraiment une association en force. Enfin, ça doit être à la 47e saison. Le groupe qui est là présentement doit être à peut-être 15-20 ans. Il était dedans avec Michel Fredette avant. C'est tous des gars qui étaient avec Michel qui ont continué la relève. C'est un excellent tournoi. C'est très bien organisé. Moi, selon moi, c'est le plus beau tournoi de la province de Québec. Hein. Okay. Il y a des équipes en masse. Ils ont beaucoup d'équipes. Ça fait que ça va être un excellent tournoi. Puis nous autres, on a espérance avec les Marquis, les Edlons. Nos autres équipes ne fassent pas une figure. Fait qu'on s'attend peut-être, si ça va comme prévu, peut-être une belle finale Alma-Marquis s'ils ne sont pas du même côté. Mm-hmm. Ça serait plaisant pour la région et pour le tournoi. Effectivement. Pierre, on s'en reparle mardi ou mercredi prochain? Oui, pas de problème. Je vais être au poste. Voilà, donc c'était Pierre Gay, le président de la Ligue GBL.